Après, j'ai lu. Laura, votre maison est très jolie. Laura, votre maison est très jolie. Ça va, je vais déclencher. Laura, votre maison est très jolie. Ça va, je vais déclencher. Laura, votre maison est très jolie. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. fête.

Thank you.

We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Thank you.